Chapitre 5e. La maison des deux Barbeaux devint plus mélancolique, plus silencieuse et plus solitaire qu'au temps de Mademoiselle Linette. Les persiennes et fenêtres donnant sur la rue du Bourg restaient hermétiquement closes, sauf pendant 2 heures, le samedi, quand Catherinette époustait les meubles et cirait l'appartement. La porte d'entrée ne s'ouvrait pas 2 fois le jour. L'intérieur, où les tapis amortissaient le bruit des pas, avait l'aspect demi-obscur et la taciturnité d'un cloître. On ne s'y parlait qu'à voix basse, comme dans une église. M. Xavier Duprat, en garçon prudent, n'avait pas attendu au lendemain pour déguerpir. Dans la nuit même, il avait pris le premier train partant pour Metz. Une fois en sûreté dans le sein de sa famille, il avait prétexté une subite maladie et, ayant sollicité de son procureur un congé illimité, il avait chargé un collègue d'enlever du logis la Frogne ses livres et ses effets mobiliers. 8 jours après, Germain, ayant fait nettoyer le logement vacant, il avait transporté ses hardes et ses papiers. C'était là qu'il couchait lorsqu'une affaire imprévue le retenait à Villotte. Le reste du temps, il vivait à la ferme. Quant à Laurence, elle menait une existence de recluse et de pénitente. Son premier soin avait été de congédier sa femme de chambre et de se contenter du service de Catherinette. Puis, elle avait opéré une réforme dans sa garde-robe. Adieu les toilettes pimpantes, les nœuds de ruban et de dentelle, tous les raffinements de coquetterie qu'elle prenait plaisir à inventer. Elle avait revêtu une simple robe de laine noire montante et elle avait serré ses bijoux dans leurs écrins. Les meubles du boudoir et du salon avaient été ensevelis sous des housses. Les cuivres et les lustres de cristal de roche dormaient emprisonnés dans de la gaze. Elle n'habitait plus que sa chambre à coucher, où un portrait de la tante Lénette, un vieux pastel aux couleurs demi-effacées, lui jetait soir et matin un regard réprobateur. Elle ne voyait personne, si ce n'est, aux heures des repas, le méthodique Hyacinthe, qui venait mélancoliquement s'asseoir en face de sa belle-sœur. Ils se parlaient peu, sauf en présence de Catherinette. Mais quand ils se trouvaient en tête à tête, l'aîné des Barbeaux devenait muet comme l'un des poissons de son enseigne. Il mangeait le nez dans son assiette. Quand, parfois, Laurence levait les yeux vers lui d'un air suppliant et qu'il pressentait qu'elle voulait faire appel à sa miséricorde, il détournait la tête et entamait une conversation intime avec le chat de la maison qui lui frôlait les jambes. Laurence n'osait insister. Elle comprenait qu'elle avait en Hyacinthe un juge indigné et d'autant plus rancunier qu'il avait été le dernier à la croire coupable. Après le dessert, Hyacinthe, repliant minutieusement sa serviette dans les plis, se levait, allait frapper 2 ou 3 petits coups secs sur le baromètre en murmurant « Il pleuvra demain » ou « Le temps est au beau ». Puis il poussait un gros soupir et s'esquivait sans bruit comme il était entré. Germain n'assistait à ses repas que rarement, les soirs où il était forcé de coucher à Villotte. Et alors le dîner était encore plus lugubre. Laurence n'osait ni lever les yeux ni remuer, et si par distraction son mari lui adressait la parole, elle croyait deviner dans chaque mot une intention amère ou méprisante. Lorsqu'il lui arriva pour la première fois de partager le souper de famille, Germain resta sombre et taciturne jusqu'à ce qu'on eût desservi. Mais au moment de se lever, il dit à Laurence en la regardant : On a donc renvoyé Marianne ? Oui, monsieur, murmura-t-elle, c'était une dépense inutile. J'ai voulu m'habituer à me servir moi-même. En effet, répliqua-t-il d'un ton sarcastique, cette fille ne pouvait plus vous être utile. Maintenant, je comprends. Elle crut qu'il insinuait que Marianne lui avait servi de complice à Rambercourt. Elle voulut protester, mais il lui ferma la bouche par un « c'est bien » très sec, et il sortit avec Hyacinthe. Ces coups de boutoir de Germain étaient pour elle la pire des tortures. Elle sentait qu'il la jugeait plus coupable qu'elle ne l'était en réalité, et qu'il avait pour elle un mépris dédaigneux. Parfois, humiliée et endolorie, elle voulait l'aller trouver et tenter de se justifier. Puis elle prenait peur, elle savait d'avance que rien qu'en entendant sa parole rude et ironique, elle se troublerait et n'arriverait qu'à gâter davantage la situation. Elle préférait se taire et attendre. Elle craignait, en provoquant une explication, de perdre sa dernière espérance, et elle tenait tant à la conserver. Elle y tenait non par intérêt ou par amour-propre, mais par suite d'un sentiment d'une nature plus mystérieuse et plus tendre. Elle voulait reconquérir l'estime de Germain, tout simplement parce qu'elle commençait à aimer son mari. Oui, Laurence aimait Germain Lafrogne. Le labyrinthe du cœur féminin, si compliqué et si plein de routes enchevêtrées, a de ses tournants étranges et de ses surprises merveilleuses. Les femmes subissent irrésistiblement l'attrait de la force, et comme Madame Sganarelle, il leur plaît d'être battues. Celui qui veut gagner leur tendresse doit les battre moralement ou physiquement, selon leur position et leurs habitudes sociales. Du moment où Laurence avait vu Xavier pâlir et trembler sous le regard de son mari, elle n'avait plus que du mépris pour ce lamentable amoureux, et du même coup, son admiration pour Germain était née. L'idole primitivement adorée avait été brisée. Mais en même temps, un dieu plus imposant s'était dressé à la même place sur un piédestal tout neuf, comme dans les évolutions de la mythologie antique. Le sang-froid dont Germain avait fait preuve, la façon dont il avait su vaincre sa colère, la sauvage grandeur avec laquelle il avait congédié le coupable et la magnanimité hautaine avec laquelle il avait traité Laurence, tout cela avait fortement frappé la jeune femme. Loin de le trouver ridicule, maintenant, elle le regardait avec une sorte de crainte tendre, qui est le commencement de l'amour. La rusticité du farouche chasseur avait même à ses yeux une âpre couleur de réalité, qu'elle trouvait plus belle que toutes les sentimentalités romanesques dont elle avait jadis peuplé son imagination. Elle était maîtrisée par cet homme fort et elle souffrait cruellement de l'avoir offensé. Se réhabiliter dans le cœur de son mari était son unique désir. Mais comment arriver à le convaincre et à se disculper? Comment détruire les préventions de Germain quand toutes les apparences étaient contre elle? Et quand celui qui aurait pu plaider sa cause, quand Hyacinthe lui-même la tenait en suspicion? Elle voulut du moins montrer aux deux frères qu'elle n'était point la femme frivole qu'on supposait, et qu'elle pouvait devenir aussi sérieuse, aussi bonne ménagère que la tante Lénette. Elle se finissit aux détails du ménage par Catherinette. La maison fut tenue avec une stricte économie, et comme au bon temps d'autrefois, les deux Barbeaux trouvèrent leur linge en ordre et leurs vêtements d'hiver et d'été préparés à point. Parfois elle s'enfermait dans sa chambre, en tête à tête avec le pastel de la tante Lénette, et elle demandait à l'image fanée de la vieille fille de lui inspirer les moyens de reconquérir Germain. Mais les traits de la défunte restaient rechignés et impassibles, et ses sévères yeux gris semblaient dire à l'infortunée pénitente « Je n'ai pas confiance ». Un jour, en furetant dans un secrétaire fermé depuis la mort de la tante, elle trouva un registre manuscrit au feuillet de papier verdâtre couvert d'une grosse écriture. C'était ce que nos pères appelaient leur livre de raison, le mémorandum, où ils consignaient à la fois leurs dépenses et les événements de la vie domestique. Toute l'existence patriarcale des Toirées et des Lafrogne y était relatée naïvement et au jour le jour, jusqu'à l'heure où Mademoiselle Lénette avait cessé d'écrire. La vie passée de Germain s'y déroulait depuis l'heure de son baptême. Laurence parcourut ces longues colonnes de contes avec l'intérêt qu'elle avait mis jadis à dévorer Valentine. Il lui semblait qu'elle entrait ainsi intimement dans la vie de son mari, et l'animation qu'elle apportait à cette lecture rétrospective montrait mieux que tout ce qu'on pourrait dire combien elle était possédée par le désir de mêler désormais ses pensées et ses émotions à celles de Germain. Il restait encore beaucoup de pages blanches sur le registre. Laurence le serra dans son pupitre, et à partir de ce moment, il y inscrivit les dépenses de la maison. Elle sortait peu. On ne la voyait guère que les dimanches à l'église, à la messe de 9 heures. Naturellement, la ville s'était préoccupée des changements survenus dans la maison des deux Barbeaux. On avait flairé quelques drames intimes, et on avait beaucoup glosé sur l'étrange façon de vivre des deux époux. Delphine Ivard seule aurait pu donner des éclaircissements sur ce mystère. Mais comme il ne se sentait pas la conscience nette, et comme il ne se souciait pas de renouveler connaissance avec la rude poignée de Germain, il avait mis une martingale à sa langue et se contentait de savourer en son par-dedans le mal qu'il avait fait. De guerre lasse, les curieux avaient renoncé à chercher la clé de l'énigme, et quand le hasard de la conversation amenait Madame Lafrogne sur le tapis, on se bornait à hausser les épaules. « Elle a une maladie noire, » disaient les commères. « C'est bien triste pour son mari. » Et on s'en tenait là. Une maladie noire, en effet. À mesure que les mois se passaient, la jeune femme perdait courage et patience. Dans le plein éclat de ses 20 ans, un deuil intérieur assombrissait pour elle les plus claires journées de soleil et les plus belles fêtes de l'été. Elle se disait que son printemps était manqué. Elle se comparait mentalement à un arbre fruitier en fleurs, atteint mortellement par la gelée d'une nuit de mars. Tout était admirablement préparé. Les étamines d'or se pressaient tendrement autour du pistil vert. Le vent du nord avait soufflé et avait tout perdu. Les corolles blanches restaient encore sur les branches, mais un petit point noir marquait la place du pistil brûlé par la gelée. Laurence se trouvait plus misérable encore que cet arbre malchanceux, car elle savait que si sa vie était manquée, c'était par sa faute. Pendant un temps, elle s'était flattée de l'espoir que son changement de vie et son dévouement pour la maison attendriraient le cœur du maître et que, jugeant la pénitence assez longue, il s'adoucirait jusqu'à pardonner. Maintenant, elle commençait à désespérer. Il y avait bientôt 1 an que durait cette situation. On touchait presque à l'anniversaire de la fatale scène, et rien n'indiquait que Germain fût disposé à l'indulgence. il employait ses journées à Rambercourt à surveiller la ferme ou à faire des chasses enragées à travers bois. Lorsqu'il apparaissait à Viotte, Laurence l'apercevait à peine. De temps à autre seulement, quand elle avait le dos tourné, il lui jetait à dérober des regards en dessous, moitié triste, moitié soupçonneux. Ou bien, à table, il avait parfois de brusques accès de toux, comme s'il eût voulu étouffer un soupir ou une émotion qui lui montait à la gorge. Le plus souvent, il se retirait de bonne heure dans le logement jadis occupé par Duprat, et il en partait dès l'aube. Pour l'entrevoir, Laurence se levait de grand matin et, cachée derrière ses rideaux, elle épiait son réveil. Elle le suivait des yeux tandis qu'il procédait à sa rapide toilette de chasseur, le cou nu, la chemise entrouverte, la poitrine à l'air. La vie active l'avait conservé jeune. Il n'y avait pas un fil d'argent dans sa barbe ni dans ses cheveux. Ses yeux bruns brillaient d'un éclat viril sous ses gros sourcils noirs, et Laurence le trouvait beau. Si en apparence Germain restait impitoyable, du moins Hyacinthe s'était adoucie. L'aîné des Barbeaux rendait justice aux efforts de sa belle-sœur. Comme il était d'un naturel compatissant, il la plaignait tout bas, et un soir que la frogne jeune avait soupé à Viotte, il l'entreprit à ce sujet. « Cadet, lui dit-il en le reconduisant dans sa chambre, tu es bien dur pour Laurence. Je t'assure que la pauvre femme a du bon et qu'il s'est fort amendé. Il ne faut pas vouloir la mort du pécheur, et une âme chrétienne doit savoir pardonner. » « Je ne suis pas une âme chrétienne, répliqua rudement Germain. Je suis un mari indignement trompé et qui ne veut pas l'être une seconde fois. Chat échaudé craint l'eau froide. Mais Germain, tu exagères peut-être aussi les choses, d'après ce que nous avons entendu de la conversation de ta femme avec ce misérable Duprat. Il est évident que Laurence lui résistait. La faute n'avait pas été poussée jusqu'à ses dernières conséquences, et en bonne justice, il est de règle que l'intention n'est pas réputée pour le fait. Vas-tu recommencer ta plaidoirie sur la coupe de Pharaon et le sac de Benjamin ? Interrompit sarcastiquement Germain. Tu n'es pas bon avocat, mon pauvre Hyacinthe. Peu importe que la faute ait été entière, ce qui est certain, c'est que Laurence se moquait de moi et abusait de ma confiance. Tu l'as punie, et aujourd'hui elle se repent, elle souffre. Moi aussi j'ai souffert. Je souffre encore. Possible. Mais peut-être est-il juste que nous pâtissions aussi, car tous les torts ne sont pas du côté de Laurence, et nous en avons notre part. Vraiment ! S'écria Germain, avec ironie. Et lesquels ? Serait-ce de l'avoir prise sans un sous-vaillant ? Et dû lui avoir donné une maison confortable où elle vivait comme une reine ? C'est, repartit lentement Hyacinthe, de l'avoir prise par égoïsme et non par affection. Soyons consciencieux, cadet, et reconnaissons que dans ce mariage, nous n'avons vu que notre intérêt et non le sien. Laurence était pour nous une manière de femme de charge bien élevée et rien d'autre. Nous ne nous sommes pas dit qu'elle était jeune et que nous étions vieux, qu'elle avait besoin de grand air et de distraction, et que nous l'enfermions sans pitié dans les quatre murs de notre vie casanière. Or, si l'on veut être aimé des gens, il faut les aimer un peu pour eux-mêmes, et non uniquement pour soi. Voilà quels sont nos torts, mon camarade. Ils n'excusent pas les siens, mais selon mon humble jugeote, ils sont suffisants pour que nous nous montrions moins raides. Je tenais à te dire cela ce soir, et là-dessus je te laisse à tes réflexions. Bonne nuit. Bonsoir, grommela le cadet en fermant sa porte. Germain dormit mal. Quand il se leva, l'aube blanchissait à peine au-dessus de la cour, et on n'entendait que le gazouillis des hirondelles sous le chéneau du toit. Il alluma sa pipe et s'accouda pour fumer derrière ses persiennes entrebâillées. La maison sommeillait encore. Catherinette, alourdie par l'âge, avait les jambes moins alertes et descendait tard à sa cuisine. En face, aux fenêtres de Laurence, les rideaux tirés restaient immobiles. Un coq chanta dans la basse-cour, de petits nuages roses moutonnèrent dans le ciel, et l'Angélus sonna au couvent des Dominicaines. Au même moment, la porte du vestibule tourna sur ses gonds et Laurence, enveloppée dans un peignoir gris, tête nue et bras nus, parut dans la cour où glissaient les premières clartés matinales. Elle aussi avait peu dormi. N'ayant plus de femme de chambre, elle avait pris l'habitude de se lever la première, et pour ménager les vieilles jambes de Catherinette, elle allait puiser elle-même à la pompe l'eau fraîche destinée à sa toilette. Et elle s'approcha du bassin verdi autour duquel poussaient des touffes de cochléaria, posa le broc sur le robinet de cuivre et, soulevant dans ses mains délicates le lourd balancier de fer, se mit à pomper lentement. Un souvenir des jours d'autrefois filtra mélancoliquement dans le cœur de Germain. Il se rappela la première nuit passée par Laurence à Viotte et les détails familiers de cette matinée où il avait été lui remplir sa cruche à la pompe. Elle était tout aussi jolie et mignonne qu'en ce temps-là, plus peut-être encore. Tandis qu'elle se haussait ou se baissait, Suivant les mouvements du balancier, les plis du peignoir marquaient la ligne onduleuse de ses épaules et de ses reins. L'une des manches retroussées laissait à nu ce petit signe noir qui avait jadis tout d'abord charmé Germain. Elle avait tourné le robinet et l'eau tombait dans le broc avec un glouglou sonore. Tout essoufflé d'avoir soulevé le balancier, Laurent s'arrêta pour respirer et leva la tête vers le pan de ciel bleu encadré dans le carré des toits. Une légère toux partant des persiennes du petit logement la fit soudain tressaillir. Elle rougit et baissa brusquement les yeux, car elle venait d'apercevoir entre les lames les spirales bleuâtres de la pipe de Germain. À son tour, elle pensait à cette première matinée passée à Abillotte et au broc d'eau fraîche si galamment apporté par le farouche chasseur. Pendant ce temps, Germain, remué par une sourde émotion, se demandait s'il ne ferait pas bien de descendre comme autrefois, d'empoigner le broc et de le porter jusqu'à la chambre de Laurence. Il avait déjà la main sur le bouton de la porte. « Non, pensa-t-il, j'aurais l'air trop bête. » Et il se recogna dans le fond de son logement. La cruche trop pleine débordait et ruisselait jusque sur l'ourlet du peignoir. Laurence poussa un soupir, puis elle saisit le broc précipitamment et la porte se referma sur elle. « Il est impitoyable, » songeait-elle en traversant le vestibule. « S'il s'était senti un peu d'amitié pour moi, il serait descendu. C'est bien fini. Il faut renoncer à le fléchir, et je n'ai plus qu'à prendre un grand parti. » Tout le reste du jour, elle s'enferma dans sa chambre en tête-à-tête avec le vieux registre de la tante Lénette. Germain était retourné à Rambercourt. Le soir à souper, au moment où Hyacinthe se levait pour consulter le baromètre, « Monsieur, lui dit-elle timidement, j'aurais une chose à vous demander. »« Parlez, ma chère enfant, répondit Hyacinthe. « Pourriez-vous me conduire demain à la ferme ?»« À la ferme ? » répéta-t-il interloqué. C'était à son sens le dernier endroit que Laurence devait songer à revisiter. « À la ferme ? Et qui donc voulez-vous y voir ?»« J'ai besoin de parler à mon mari, à M. Lafrogne. » « Mais il était ici hier. Comment n'avez-vous pas profité de l'occasion ?»« Hier, je n'avais pas encore arrêté la résolution que j'ai prise aujourd'hui, et dont je tiens à l'informer. »« Que votre volonté soit faite, ma chère enfant, mais je ne vous cacherai pas que l'endroit est mal choisi, et que Germain est de mauvaise humeur. »« Je me suis déjà dit tout cela. Nous partirons de bonne heure, n'est-ce pas ? Dès que vous voudrez. Mais c'est donc bien urgent, et ne pourriez-vous patienter jusqu'à ce qu'une occasion plus favorable ?»« Non. » C'est impossible.